Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Veillée de prière, concerts, dédicaces, promotion de livres et œuvres sociales. Seconde tranche des infos services. Évangéliste Kwame Timothée, bonjour. Bonjour, tonton Criso. C'est dans quelques heures. Oui, au mardi, théâtre de la cité. Oui, le programme. On est mardi. Aujourd'hui, mardi, comme tu l'as dit, c'est un mardi spécial parce que c'est le premier mardi du deuxième mois. Le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. Quand on parle de d'entrer dans un nouveau mois, la Bible dit dans le psaume 19, verset 3, il dit un jour instruit un autre jour. Psaume 19, verset 3. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce qui veut dire que quand nous rentrons dans un nouveau mois, il faut pouvoir parler aux portes et prendre possession des portes. C'est pourquoi aujourd'hui, ce mardi-là, j'invite tout le peuple de Dieu à l'amphithéâtre de la cité rouge de Cocody, à la cellule de l'exaucement. Nous allons prier pour refuser toute mauvaise nouvelle en ce mois. Vous savez, parlant de l'histoire du mois de février, février est le plus court des mois, 28 ou 29. Février était à l'origine le 12e mois. C'est mars qui était le premier. Dans l'histoire, juillet et août ont deux mois. 31-31 collés. Et donc, ça veut dire qu'il y a une soustraction quelque part. Donc, quand on rentre dans ce mois de février, il faut prier pour dire au Seigneur, je refuse de perdre mes acquis. C'est pourquoi le thème est, en ce mois de février, je conserverai mes acquis. Et l'élévation d'une personne ne mettra pas fin à ma vie. C'est le thème qui sera traité ce mardi, 11h-14h. Février, c'est l'instabilité. Donc, nous allons prier aujourd'hui pour dire, Seigneur, en ce deuxième mois, stabilise tous les domaines de ma vie. Regarde, en un mois, tu as l'argent. Le mois prochain, tu n'as plus l'argent. Un mois, quelqu'un dit, non, je t'aime. Le mois prochain, tu dis, non, je ne sens plus l'amour. Un mois, non, tu travailles. Après, non, on te renvoie. Ça veut dire que tu es instable. Le mois de février, c'est 28 ou 29. Ça, c'est le symbole de l'instabilité. Et ensuite, la soustraction. Parce qu'on a retranché deux jours pour compléter à août. Ça, c'est l'histoire. Vous pouvez voir ça sur Internet. Vous allez connaître l'histoire de février. L'élévation d'une personne ne mettra pas fin à ma vie. Pourquoi ? Deux rois, chapitre 3, verset 26 à 27. La Bible déclare que le roi de Moab combattait contre Israël. Et quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas battre Israël, qu'est-ce que le roi de Moab a fait ? Il a pris son fils premier-né qui devait régner à sa place. On dit, il le sacrifia en holocauste sur la muraille. Et dès qu'il a tué son fils, il a sacrifié son fils. Pourquoi? Parce qu'il voulait conserver son poste. Il y a des gens pour bâtir leur maison, il faut tuer quelqu'un. Il y a d'autres pour avoir la promotion, il faut tenir l'image de quelqu'un. C'est-à-dire, pour se marier, il faut faire du mal. Donc le roi de Moab, à cause de son pouvoir qu'il veut conserver, à cause de son royaume et de son honneur, il n'a pas eu peur de sacrifier le futur roi, de tuer son fils. Dernier exemple, dans Exode 12, 29, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, je passerai la nuit en Égypte, et je frapperai quoi? Les premiers-nés. Donc, pour que Israël soit délivré, il fallait que les premiers-nés soient sacrifiés. Donc, je ne sais pas qui veut te sacrifier. Justement, évangéliste Kwame Timothée, qu'est-ce que vous voulez insinuer à tous ces exemples? Je résume pour dire qu'il y a des personnes dans la vie, c'est pas le diable qui t'attaque, mais c'est la méchanceté des hommes qui ne veut pas que soit tu évolues. Quand ils apprennent que, regardez l'histoire du fils de Moab, le futur roi a été sacrifié. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça dans la vie où vous allez comprendre que, comme la personne n'aime pas ta tête dans l'entreprise, on te sacrifie et on donne le poste qui doit te revenir à quelqu'un d'autre. Dans la famille, la belle famille se lève pour dire, je ne veux pas que cette femme-là dans ma famille marie telle. Et il y a des personnes qui ont été sacrifiées. Donc, l'élévation d'une personne ne mettra pas fin à ma destinée. La suite, c'est pour tout à l'heure au théâtre de la cité. 26 à 27. Orateur, évangélique, Kwame Timothée. Nombreux, on priera pour notre nation pour que 2020 soit différent. Pasteur, les contacts. 08 64 94 48 et au 57 43 88 86. 57 43 88 86. La cellule de l'exaucement, c'est pour tout à l'heure au théâtre de la cité. Pour en parler, nous étions avec l'évangéliste Kwame Timothée. À tout à l'heure. Évangéliste Georgette Sikabie, bonjour. Bonjour, grand frère. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu? C'est un programme mensuel, mais nous sommes là ce matin pour un petit réchauffement. Voilà, donc c'est Péniel. Nos trois jours de combat spirituel, caractérisés par des prières ferventes, de restauration, de délivrance avec la personne de l'apôtre Olakole à Rebessola. D'accord. Et déjà pour ce mois de février, le thème est l'éternel Dieu. Tout simplement, l'éternel Dieu qui est tiré de Genèse chapitre 2, le verset 7. Oui, quelques explications. Oui, l'éternel Dieu parce que au commencement, c'est l'éternel Dieu. À la fin, c'est l'éternel Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas enracinés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas assis. Notre foi n'est pas ferme. Notre foi vacille quand il y a des vents contraires qui souffrent. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance de l'éternel Dieu. Parce que la Bible dit en Daniel chapitre 11, le verset 32, « Il séduira par les flatteries les traites de l'Alliance. Mm-hmm. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront fermement. D'accord. Et voilà. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Bon, moi, je veux dire simplement que ici, la personne de l'apôtre Lakoulé Aregbesola sera le mieux pour instruire quelqu'un, pour amener quelqu'un dans la pleine connaissance de son Dieu, mm-hmm. afin qu'il soit ferme devant les situations ou les vents. D'accord. Et c'est voilà. quand? Ça sera à partir du mercredi 5 février, sur le coup de 22h à 4h du matin, et puis le jeudi également, et le vendredi sera l'apothéose, d'accord. toujours à la même heure. Et c'est ouvert. Oui, c'est ouvert, mmh. et l'église est située à Makori-Sikoji, près du collège Pascal. Mmh. Makori-Sikoji, près du collège Pascal, nous avons deux contacts seulement, le 21-26-98-51, 21-26-98-51, le 07-32-94-18, 07-32-94-18. Je laisse un dernier appel. Toi qui as entendu ma voix, tu prends depuis chez toi ta femme, ton mari, ta servante, tes enfants, et vous venez ensemble à 16 heures de la nuit. Toute là, la maisonnée. Nous serons animés, remplis, bien nourris de la pleine connaissance de notre Dieu. Mmh. Et cette année 2020, nous allons pouvoir tenir ferme devant les attributs du diable. Dieu vous bénisse. D'accord. Merci, évangéliste Georgette Sikabier. Bonheur conjugal organise un dîner gala. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec M. Traoré. Bonjour. Bonjour, mon frère. Pourquoi un dîner gala maintenant? Ben, il faut dire un dîner gala parce que c'est déjà important aussi que le corps du Christ puisse également se réjouir. Et il faut bien encadrer ces temps de réjouissance-là mm-hmm. avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec la parole. Mm-hmm. Alors, le couple Ngoubi, le révérend Dieudonné Ngoubi et son épouse Madeleine Ngoubi ont bien pensé, en tout cas, un cadre féerique, un cadre festif mm-hmm. pour les couples mariés qui sont en Jésus-Christ mm-hmm. afin de célébrer donc l'amour, afin donc de raviver la de flamme de l'amour. Savourer l'amour. Bien sûr. Dîner gala des couples mariés. Oui, mm-hmm. dîner gala des couples mariés. Et cette fois, je veux dire que c'est une célébration, mm-hmm. mais qui est encadrée par la parole. Mm-hmm. C'est une célébration en Christ. Ce n'est pas une célébration mondaine mm-hmm. comme on a coutume de le voir, mm-hmm. mais c'est une célébration vraiment avec la lumière. Mm-hmm. Donc, on ne va pas dans une célébration qui renverse les fondements. Donc voici donc la vision, le concept qui a donc été mis en place par le couple Ngoubi. D'accord, bien, c'est intéressant. Qui peut donc convenir? Oui, ça concerne déjà tous les couples mariés, sans distinction. Alors tu veux célébrer l'amour, tu veux renouveler la flamme de l'amour, tu veux renouveler ton alliance avec ton épouse, avec ton époux, alors ce cadre est idéal, ce cadre est approprié pour que tu viennes donc célébrer ce moment festif, ce moment récréatif avec ton conjoint. Mais également aussi des fiancés vraiment qui sont reconnus donc par les hommes de Dieu, ceux qui ont un projet de mariage, qui sont déjà dans les fiançailles, qui promptement vont se mariés, qui sont reconnus par leur pasteur, qui sont suivis par leur pasteur, encadrés par leur pasteur, peuvent également prendre part à ce dîner gala. D'accord. La participation? Oui, la participation, c'est vraiment, vraiment, vraiment un cadeau qui est offert donc par le couple Ngoubi. C'est la bagatelle de 30 000 francs pour le couple. Vous payez les 30 000 francs? Oui, les 30 000 francs, on peut déjà les payer à la réception de la radio Fréquence Vie ici. Et on peut également les payer par Orange Money à un numéro que je vous communique, séance tenante, mm-hmm. le 07 91 49 19. Je répète, 07 91 49 19. Alors, je profite également pour dire que nous avons également un point de vente à Makori. Mm-hmm. Alors, on pourrait donc entrer en contact avec la prophétesse Anne au 08 47 19 01, je répète, 08 47 19 01. D'accord. Monsieur Traoré, merci. Merci à vous. Nous sommes ce matin avec Monsieur Christian Kohn et Monsieur Bakary Bakayoko. Bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez le cabinet Caris Group, c'est bien cela? Oui. D'accord. Monsieur Christian Kohn, c'est quoi le cabinet Caris Group? Alors, merci beaucoup, Chrysostome. Caris Group est un cabinet d'expertise en marketing opérationnel et digital. C'est un cabinet qui est situé à la Riviera Palmeraie, dans la cité Sidessi, à la Villa 185. juste en face de la direction générale des impôts à 50 mètres. Alors, ce cabinet a créé un programme dénommé la Digital Management Institute qui abrite les formations et qui a créé la première formation en marketing digital du 5 août au 17 décembre 2019. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la deuxième session de cette promotion en marketing digital qui se tiendra à partir du lundi 9 mars 2020. D'accord, nous y reviendrons. Et d'ici là, M. Bakary Bakayoko va nous dire ses motivations en tant que responsable des ressources humaines. Bonjour et merci beaucoup. J'ai participé à la première formation en marketing digital organisée par le groupe Caris. Et je peux dire aujourd'hui, avec certitude, que je suis un digital manager. Mmh. Alors, mes motivations, il faut déjà rappeler tout d'abord que Internet s'impose à tous et dans tous les domaines d'activité de nos jours, car il fait partie de notre quotidien. Et les ressources humaines n'ont pas échappé à la règle. En effet, de nombreuses missions au cœur des métiers des ressources humaines se sont vues transformées. Je veux parler du recrutement, qui, avec aujourd'hui la généralisation de l'utilisation des réseaux sociaux pour le sourcing, ou encore la formation avec l'essor de l'e-learning. Voilà. Donc aujourd'hui, ma nouvelle compétence me permet de répondre efficacement aux nouvelles exigences de mon métier, mais aussi d'occuper le poste de digital manager. Un appel à lancer. Je tiens tout d'abord à préciser la pertinence de la formation dans l'élaboration et la programmation de ces modules et de la qualité des cours dispensés par des icônes du digital sur le plan national et international. J'invite donc tous les professionnels qui se disent encore que l'Internet ne s'applique pas dans leur domaine de venir s'inscrire à la deuxième session de la formation en marketing digital qui débute le 9 mars 2020 à la Riviera Palmeraie, dans la cité ci-dessus, Villa 185, juste en face de la direction générale des impôts à 50 mètres. Le coût de la formation ? Le coût de la formation, est élevé à 550 000 et est prévu pour être échelonné sur 5 tranches. Info line 77 18 83 93 54 39 31 57. Alors vous êtes tous conviés à venir et on va apprendre au métier du digital.